Pod Québec est fier de s'associer avec ce podcast. Vous cherchez des balados québécoises? Pod Québec vous offre un choix de plus de 100 podcasts québécois. De plus, vous pourrez écouter la radio Pod Québec Live, une radio 100% podcast, 100% québécoise. Sur ce, bonne écoute. Jean Doyon et Régent Charbonneau. C'est la filière progressive. Le rock. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la filière progressive. Une heure de rock progressif avec Jean Doyon, bonsoir, et Régent Charbonneau. Salut. Et ce soir, nous avons de Cuba, ah ben gardons, Anima Mundi. De la Grande-Bretagne, Kairos, on pourrait dire, de la Norvège, Leprous, et du Québec, Noesis, ça aussi, bon impact. En tout cas, bon, on y reviendra. Régent, ben, on va commencer avec, on a déjà fait jouer de ça, je suis sûr, du Anima Mundi. Oui, effectivement, puis c'est ça, Anima Mundi, qui est une des rares formations progressives de à Cuba. Nous venir de Cuba, effectivement. Ouais. Et puis, ils nous offrent ici leur cinquième album depuis 2002. Et puis, à chaque fois, je pense que le produit est hautement recommandé. Un prog symphonique ambitieux, chaleureux, avec des envolées instrumentales grandioses. Alors, pour cet album, qui a pour titre I, Me, Myself, on va écouter la pièce The Shimmery, The Wheel and The War. Anima Mundi, à la filière progressive. Thank you. Vous écoutez La Filière progressive. Deuxième partie de l'émission de ce soir. On va avec un groupe britannique, Kairos. Oui, Kairos, qui est une nouvelle formation, mais qui est en fait le prolongement d'une formation connue sous le nom de Synesthesia, que j'avais bien aimé en 2013. Et puis, c'est ça, Synesthesia ont existé de 2013 à 2015. Et puis, ce qu'on peut dire avec Kairos, c'est que cette nouvelle entité britannique menée par Joey Frivola ne passera sûrement pas inaperçue, car ils parviennent aisément à surprendre tout le monde avec ce premier effort, Vox Humana, un double album concept de haute voltige. Alors, on va entendre deux extraits tirés de ce Vox Humana. On va écouter la pièce, justement, du même titre, Vox Humana, suivie de Technology Kill the Kids. Bon, oui, avec tes grands titres, les gens, on va y aller tout de suite avec Kairos à la filière progressive. L'émission La filière progressive. De la Norvège, on va maintenant écouter en troisième partie de l'émission de ce soir le groupe Leprous. Oui, très belle sortie sous forme de double CD avec ou sans DVD vidéo de cette prestation live at Rockefeller Music Hall par le groupe de prog metal déjà bien établi avec quatre albums studio depuis cinq ans. Et puis à noter, moi j'en reviens toujours pas, là, la performance vocale de Einar Solberg, qui officie aussi au clavier. Quelle puissance et quelle justesse, moi, c'est ce qui attire mon attention dans cette formation-là. Là, puis probablement que tu vas apprécier aussi, Jean. T'es un amateur de bon vocal, là. Ça saute pas aux yeux, mais aux oreilles. J'aime bien les plus, ouais, effectivement. Alors, deux pièces qu'on va entendre tirer de cet album Live at Rockefeller Music Hall. La pièce The Cloak, suivie de Acquired Tasted. Ben allons-y donc, Leprous à la filière progressive. Thank you so much. conscious, let's be careful not to see. Stay out, be free. Don't enter this abyss. That's where I go to think. Enjoy the restrictions. Be glad you can feel this thing. Silent compassion. Vous écoutez l'émission La Filière Progressive. Dernière partie de l'émission de ce soir, on s'en va avec un groupe québécois et qui s'appelle Noesis. Oui, c'est une formation qu'on a déjà fait jouer auparavant. Et puis, on récidive cette fois parce que l'album est vraiment très intéressant. Cet album qui a pour titre The Current, on va entendre la pièce Raging Hell suivie de Collapsing. Noesis à la filière progressive. Give me some sensation of soul nausea. A stamp flies by, my trust fades away. The air whispers, there must be. qu'on vient d'entendre, c'est un groupe québécois du nom de Noesis, tiré de l'album The Current. On a entendu Raging Hell et Collapsing juste avant. Leprous, tiré de leur dernier album Live at the Rockefeller Music Hall. Kairos, tiré de Vox Humana. Et Anima Mundi, quand même, pour faire un petit peu de changement, avec I Myself. Ouais. I Myself, voilà, de Anima Mundi. Merci, Réjean, beaucoup. La semaine prochaine. Ben, je vais te donner, oui, c'est oui, ça. J'ai... On va avoir l'album solo de Marcella Bovio. Oh, oh, oh. Ça, c'est toujours... C'est un moment d'arrêt dans notre vie. Chaque fois que Marcella fait quelque chose. Alors, bien sûr, Marcella Bovio, c'était la chanteuse de Stream of Passion qu'on a bien aimée à la filière progressive. Alors, d'ici là, ben merci, Réjean. Au plaisir. Et là, c'est pour la fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et c'est Jean Doyon et Réjean Charbonneau qui vous souhaitent une bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas d'aller visiter notre site Internet. Et, ben à la semaine prochaine. Bye-bye.